l'océan, c'est une Garonne qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Ma Méditerranée, c'est une Garonne, née comme trois pommes dans les Pyrénées. Un berceau de roc pour un filet d'eau, trois syllabes d'oc évoque le flot. C'est une Garonne, c'est une Garonne, c'est une Garonne. C'est ce fleuve lisse dont je suis l'Ulysse sans exagérer. Le ciel sur son dos et la pollution, allons à Bordeaux trouver solution. Moi ma caravelle c'est sa rive belle, là où l'hirondelle vient pondre son œuf. Ma vague émeraude, c'est une Garonne, quand elle se fait chaude au bras du pont neuf. C'est une Garonne, Garonne, c'est une Garonne. Moi ma caravelle c'est sa rive belle, là où l'hirondelle vient pondre son œuf. Ma vague émeraude c'est une Garonne, quand elle se fait chaude au bras du pont neuf. Et faut pas que j'oublie quand elle bouillonne comme une Amazone chevauchant son lit. Mon Man River, c'est une Garonne, quand elle ronronne tout près de mon cœur. Ma mère Océane, c'est une Garonne, quand elle résonne d'un air de tam, tam. D'une Garonne, c'est une Garonne. Garonne.